Un avion vient de s'écraser dans la partie supérieure du World Trade Center à Manhattan. Oh là là, des nouvelles explosions. Le FBI parlerait d'un acte de terrorisme. La Maison Blanche est évacuée. Une question, oui, George W. Bush. Il est probablement toujours dans un avion. Il est en sécurité, on ne sait plus où est le président. Toujours le même combat contre les terroristes face aux attentats. USA, nous on sait qu'on se lèvera. Car c'est triste demain, car tu sais ce sera nous sur leur liste. Toujours le même combat contre les terroristes face aux attentats. USA, nous on sait qu'on se lèvera. Car c'est triste demain, car tu sais ce sera nous sur leur liste. Toujours le même combat au troisième millénaire. Nombreux sont ceux qui veulent encore aujourd'hui faire la guerre. Rêve d'un monde meilleur, seulement pour leurs frères, leurs confrères. Et si t'es pas des noirs, tu crèves sur terre. Je comprends pas comment on peut parler d'humanité sans unité entre pays, se mettre à militer. Trop plein de trahison, plein de vices, plein de complicité. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'ils puissent citer. Je suis tué, elle est ensemble, ouais, nous resterons unis face à tous les ennemis qui nous testeront. Et si quelqu'un s'en prend à nous, jamais nous ne cesserons de nous battre. Ouais, de toutes nos forces, bien nous combattrons. Mon armée, ton armée, notre armée, c'est la même. Pour une existence plus piste, irradiant le problème. Tous les fauteurs de troubles devront être stoppés. Tu sais, pour quelle cause aujourd'hui j'obsède. Toujours le même combat contre les terroristes vers face aux attentats. USA, nous on sait qu'on se lèvera. Car c'est triste demain, car tu sais ce sera nous sur leur liste. Toujours le même combat contre les terroristes vers face aux attentats. USA, nous on sait qu'on se lèvera. Car c'est triste demain, car tu sais ce sera nous sur leur liste. Toujours le même climat, au troisième millénaire. Impossible d'avoir la paix dans ce monde de vénère. Trop de différence entre nous, aucune tolérance. Malgré tout ce qu'on nous enseigne depuis notre tendre enfance à force. Au bout du compte, ouais, des clans se forment. Chacun y trouve sa place, ils veulent tous défier la norme. On sait qu'il n'y a plus de limites, le monde se réveille. Le mythe de la troisième guerre mondiale devient réel. S'excite demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Mais gars, s'il faut qu'on se batte pour avoir la paix, je serai là. Vivre sur une terre à risque, je sais que je ne veux pas mourir. Parce qu'un ennemi le décidera demain. S'il faut, on prendra les armes. Pour tous les sacrifiés, un jour on versera des larmes. Je veux mes gosses vivre dans la joie, le bonheur. Stop pour le terrorisme, pour un monde meilleur, c'est toujours le même combat contre les terroristes vers face aux attentats. USA, nous on sait qu'on se lèvera. Car c'est triste demain, car tu sais ce sera nous sur leur liste. Toujours le même combat contre les terroristes vers face aux attentats. USA, nous on sait qu'on se lèvera. Car c'est triste demain, car tu sais ce sera nous sur leur liste. Toujours le même combat contre les terroristes vers face aux attentats. USA, nous on sait qu'on se lèvera. Car c'est triste demain, car tu sais ce sera nous sur leur liste. Toujours le même combat contre les terroristes vers face aux attentats. USA, nous on sait qu'on se lèvera. Car c'est triste demain, car tu sais ce sera nous sur leur liste.